kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use. C'est vraiment un calvaire. L'odeur du plastique chaud rend l'atmosphère malsaine. Les parties entre de l'enfant font gerber les bières. On n'avance pas les vieilles gueules pour un rien. Des gens courent après le bus, elles nous mettent à l'amour. Ce compte chauffeur s'arrête pour acheter son tabac. Les parfumantes de sur les microbes nous entourent. Payer 5 balles pour ce gigropos. En supportant leur lâtre dans ses voisins. Les contrôleurs viennent emmerder tous ces gens. Rien d'autre à foutre que faire chez le citoyen.